Chapitre 42e. Demian passa le reste de cette journée à courir dans la montagne. Il avait besoin d'air et de mouvement pour établir une sorte d'équilibre dans son esprit. Tant d'impressions diverses se heurtaient dans son cerveau, tant de sensations nouvelles faisaient battre son cœur et bruire ses artères, qu'il ne pouvait rentrer au logis sans avoir médité sur le tour que venait de prendre son existence. Ce qui dominait tout en lui, ce qui produisait sur son organisation d'artiste l'effet d'une note discordante tenue avec une persévérance cruelle et implacable, c'était un mécontentement, un désappointement qu'il ne pouvait vaincre. Il avait jeté aux pieds de la princesse tout ce qu'il avait en lui de noble, de généreux, d'élevé, pendant les 2 heures d'ivresse qu'il avait passées dans le boudoir plein de roses. Il avait versé son âme débordante de joie et d'orgueil sur les belles mains que Cléopâtre lui laissait baiser avec un sourire de triomphe. « Je serai grand par vous et pour vous, » avait-il dit. « Je ferai un chef-d'œuvre, et j'y mettrai votre nom. Grâce à vous, je suis désormais un homme. Hier, je n'étais qu'un enfant. Vous m'avez tout donné. » Elle l'écoutait sans l'interrompre, et paraissait heureuse. Mais au moment où la pendule sonnait midi, elle avait renvoyé le jeune artiste malgré ses protestations. Pendant qu'il lui disait adieu, mettant tout son amour dans une parole, dans un regard, dans une étreinte, elle regardait distraitement par-dessus son épaule, et ce regard froid avait glacé le cœur de Demian. Il sentait que ce n'était pas elle qui était à lui, c'était lui qui était à elle. Elle s'était réservée, ou plutôt reprise, et même après ces 2 heures, il sentait qu'il n'avait pas plus de droit sur elle que s'il ne fût jamais entré dans ce boudoir. Cette pensée l'irritait, et en même temps lui inspirait un désir plus ardent de retrouver une heure comme celle du matin. Mais la princesse n'avait rien promis. Tout restait aux chances du hasard ou du caprice de Cléopâtre, et Demian se sentait humilié, après s'être abandonné tout entier, de ne rien avoir emporté en échange. Rien, pas une promesse, pas une de ces paroles qu'il lit, pas même un parfum resté dans ses cheveux, dans ses vêtements. Les roses appartiennent à tout le monde. Dans ce pays des roses, la plus pauvre ouvrière peut en avoir une sur sa table de travail. Cléopâtre était prudente. De peur d'indiscrétions involontaires, elle ne portait de parfum que hors de l'intimité. Il marcha 2 ou 3 heures au hasard, puis s'assit sur un quartier de roche, à l'abri de quelques maigres buissons, dans un lieu solitaire et désolé. Il voyait une plaine devant lui, avec un ruisseau desséché, dont le lit semé de cailloux faisait un large sillon grisâtre dans l'herbe courte et déjà jaunie. Il était las de sa longue course, mais plus las encore du poids qui pesait sur son esprit. « Elle se méfie de moi, » se dit-il, en prenant sa tête dans ses 2 mains fiévreuses. « Elle a accepté mon amour et pourtant elle n'a pas confiance. Qu'ai-je fait pour démériter d'elle ? Quel ennemi a pu me calomnier ?» La silhouette fine et élégante de Rabenne passa dans ses pensées et il tressaillit, croyant avoir fait une découverte. Rabenne lui déplaisait, parce qu'il était trop bien avec la princesse. Tout en se disant qu'elle ne pouvait jamais l'avoir aimé, les 48 ans du diplomate paraissaient si prodigieusement vieux aux 24 ans de Demian. Il trouvait dans l'intimité évidente de ces 2 personnes de quoi alimenter le besoin de jalousie qui fermente au fond de tout cœur d'amoureux. Il se dit que Rabenne devait l'avoir desservi, et il le prit en grippe immédiatement avec ce flair extraordinaire qui distingue ceux qui font leur début dans le monde. Il se dit et se répéta à satiété que la princesse ne l'aimait pas. Mais si elle ne l'aimait pas, pourquoi s'était-elle donnée? Le problème qui s'offrait n'était pas de ceux que Demian pouvait résoudre. Et comme rien n'est plus humiliant que de s'avouer qu'on ne sait pas, il se paya 2 fausses monnaies. « Elle m'aime, » pensa-t-il, « mais elle connaît la fatuité ordinaire aux jeunes gens, et elle me cache sa tendresse afin de se faire chérir davantage. » Cette conclusion satisfaisait son amour-propre, et il s'en déclara content. Son cœur murmurait bien encore un peu, mais Cléopâtre était si belle, si enivrante. Le moindre mot tombé de ses lèvres avait tant de prix qu'il se reprocha à ses chimères et reprit plus paisiblement le chemin de la ville. Il rentra au logis préparé une semonce, car la nuit tombait, et il n'avait pas reparu de la journée. À sa grande stupéfaction, tout le monde le reçut comme s'il ne les eût pas quittés, sans question, sans surprise. Malgré son étonnement, il se prêta à cet accueil aimable, mais vers 10 heures. Il ne put s'empêcher de courir à la villa Redine. Il trouva la princesse en grande toilette, souriante comme à son ordinaire, pendant que lui tremblait intérieurement de la tête aux pieds en touchant cette main, qui peu d'heures auparavant caressait ses boucles brunes. Elle lui dit bonsoir avec le plus grand calme et ordonna au maître d'hôtel de lui apporter une tasse de thé. Il avait bien pensé qu'elle aurait de l'empire sur elle-même, mais pas à ce point. Qu'elle jouerait l'indifférence, mais pas avec ce naturel. Et la même impression de tristesse qu'il avait ressentie dans l'après-midi passa sur lui avec un frisson glacial. Tout aussitôt, ses yeux se remplirent d'une douce lumière. La chaleur lui revint au cœur. La princesse portait une rose au corsage, une des roses du boudoir, sans doute, et c'était pour lui rappeler son rêve du matin. « Vous avez l'air trop enchanté. » M. Marcof lui dit négligemment Cléopâtre, qui le voyait très bien, et qui craignait quelque sottise de la part de ce débutant dans la vie. « Il doit vous être arrivé aujourd'hui quelque chose d'heureux. » « D'heureux, en vérité, madame, » répondit-il avec une vibration dans la voix qui causa beaucoup d'ennui à la princesse. « Il a l'air d'un mauvais jeune premier du théâtre Michel, » pensa-t-elle avec dépit. « Mon Dieu, qu'il est bête de ne pas comprendre. » « Je parie, » dit Rabenne, qui les observait tous les deux du fond de son fauteuil, et qui venait de s'assurer qu'il y avait du nouveau au trouble et à l'exaltation du jeune homme, aussi bien qu'au pli d'humeur qu'avaient pris les lèvres de Cléopâtre. « Je parie que vous avez fait une bonne recette hier. »« Je crois que oui, » répondit Demian en rougissant de colère. Pourquoi ce courtisan venait-il rappeler ici qu'il gagnait sa vie avec son violon ?« Je n'en sais rien, à vrai dire, » continua-t-il. « C'est mon frère qui s'occupe de cela. » Alors le chat de Perse, notre voisin, vous aura envoyé une décoration par le télégraphe, reprit la princesse, car on n'a pas l'air heureux comme cela, ma parole d'honneur. Elle lui tourna le dos pour aller parler à son mari et Rabenne s'approcha d'un air indifférent. « J'étais pour vous voir tantôt, » dit-il à Demian. « Je ne vous ai pas trouvé à mon grand regret. Il y aura bientôt un concert au profit des blessés du Caucase. Vous voudrez bien ne pas nous refuser votre concours. » Demian s'inclina en silence, et Rabenne l'examina de tout près sans pince-nez. Cet examen le satisfit sans doute, car il en abrégea la durée, et entama avec le jeune homme une conversation musicale dans laquelle il sut l'étonner par l'étendue de ses connaissances. Bien que notre ami se tînt sur la réserve, en raison de son idée préconçue de voir un ennemi dans le diplomate, il ne put s'empêcher de reconnaître qu'un ennemi moins courtois lui eût laissé essuyer la mauvaise humeur de Cléopâtre. Et s'il ne lui voua pas beaucoup plus de sympathie, il ne put se défendre de lui accorder quelque estime.